Le Rassemblement national consacré au 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée s'est déroulé le 24 au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le sous-maréchal Fang Byung-sung, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, le premier ministre Park Bong-soo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, d'autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, les membres des organismes directeurs du comité central du parti à Pyongyang, les cadres des organismes du parti, des forces armées, des ministères et des établissements centraux, les militaires de l'armée populaire et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les officiels des établissements, usines et entreprises de Pyongyang, les méritants, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste et autres compatriotes coréens d'outre-mer. Y ont été également invités les représentants diplomatiques, attachés militaires et hôtes étrangers en Corée. Le général d'armée Park Yong-sik, membre du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée et ministre des forces armées populaires de la République populaire démocratique de Corée, a fait le rapport titré « L'armée populaire de Corée fera à jamais briller son histoire et sa tradition d'invincibilité, suivant la direction de Sun Gun du Grand Parti », qui dit notamment « Les 85 ans de l'histoire de l'armée populaire de Corée fondée par le président Kim Il-sung sont le trajet glorieux de son développement en armée du parti et de leader, et en puissance de la révolution Baek-tusan, capable de battre l'ennemi à un contre-son tout en surmontant les tempêtes de la révolution sous la bannière du Jeutsé et du Sun Gun. Et les annales victorieuses pour avoir manifesté l'invincibilité dans le combat anti-impérialiste et anti-américain, et défendu parfaitement la souveraineté du pays, le sort du peuple, le socialisme et la paix du monde. La fondation des forces armées révolutionnaires invincibles par notre président à partir de deux pistolets pour fournir au peuple coréen la puissante arme de remodelage du destin souverain et jeter la solide base militaire garantissant la dignité et la prospérité éternelle de la nation, c'est son plus grand exploit. Le général Kim Jong-il, qui s'est engagé de bonne heure dans la direction de la révolution de Sun Gun, avec la ferme volonté de parachever avec l'arme l'œuvre révolutionnaire du Tse, entamée par l'arme, a avancé la transformation de toute l'armée par le kim-il-sunisme comme la tâche générale de l'édification de l'armée et conduit énergiquement pour sa réalisation afin de renforcer l'armée populaire en une armée parfaite du leader et du parti. Aujourd'hui, l'armée populaire salue son ère la plus glorieuse dans son histoire du Tse grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un, nouveau commandant prestigieux du Baek-tu. Les militaires et civils coréens qui progressent impétueusement vers l'avenir radieux en tenant ferme l'arme Baek-tusan suivant leur commandant suprême invincible sont toujours promis à la gloire et à la victoire qui sont à jamais les nôtres.